بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم تفسير سورة الكوثر aujourd'hui on verra le tafsir l'exégèse de سورة الكوثر قال ابن كثير رحمه الله إنها سورة مدنية وقيل إنها سورة مكية ابن كثير رحمه الله il nous dit que cette sourate elle est مدنية elle a été révélée durant la période médinoise donc après l'Hégire et il fut dit qu'elle a été révélée durant la période mécoise فظاهر كلام ابن كثير رحمه الله أنه يرجح كون هذه السورة مدنية. Et donc, ce qui apparaît de la parole d'Ibn Kathir rahimahullah, c'est qu'il voit que la vie le plus juste est que cette sourate fut révélée durant la période médinoise. Si un verset est révélé à Badr, est-ce qu'on dit, on dit quoi de ce verset? Medani, Mekki. Hein? Le plus proche. Le plus proche? Badr, c'est plus proche de Médine. Alors, on va dire Medani. On dit quoi? On a déjà vu. Même là, ce qu'on a dit aujourd'hui, normalement, ça vous donne la réponse. C'est quoi lorsqu'on dit d'un verset qu'il est Medani? Et d'un verset qu'il est Mekki. On avait vu, c'est-à-dire qu'il a été révélé durant la période médinoise, c'est-à-dire après l'Hégire. Ou alors qu'il a été révélé durant la période mécoise, c'est-à-dire avant l'Hégire. Peu importe où était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un verset qui a été révélé à Mekka. Lors de la conquête de la Mecque, on va dire Mekki ou Medani. On va dire Medani. Ok? On va dire Medani. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé après l'Hégire. Voilà ce qui est voulu par Mekki et Medani. Donc on fait attention à ça. Barakallahu fikoum. Fal kawthar fil lugha huwa al khayr al kathir. Le mot al-kawthar dans la langue arabe, il indique un grand bien. Un grand bien. فالله تبارك وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيرات كثيرة وذلك في الدنيا والآخرة. Allah تبارك وتعالى, il a donné au prophète صلى الله عليه وسلم énormément de bienfaits. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. ومن ذلك نهر الكوثر وهو نهر عظيم في الجنة ينصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi les merveilleuses choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à son prophète صلى الله عليه وسلم, il y a donc un fleuve dans le paradis, ce fleuve qui est appelé Al-Kawthar. Et ce fleuve qui se déverse dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fleuve qui est dans le paradis, mais qui va se déverser aussi dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin où les croyants vont venir fi arasat al-qiyama avant justement de rentrer au paradis. L'imam Muslim il a cité dans son sahih selon Anas qui dit: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il était avec nous un jour, alors qu'il était avec nous il s'est donc endormi mais durant une courte durée, irfa'atan. Il a fermé les yeux durant une courte, durée. Ensuite, il nous dit, Anas rahimahullah, thumma rafa ra'sahu mutabassiman. Ensuite, il a levé la tête en souriant. Sallallahu alayhi wa sallam. Fakulna ma adhakaka ya Rasulallah. Alors, nous dit, mais qu'est-ce qui t'a fait rire, ô messager d'Allah? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Kala unzilat alayya anifan sura. Alors, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sourate qui est descendue sur moi. Fakara, alors il a lu, bismillahirrahmanirrahim, inna a'atina kal kawthar. Bismillahirrahmanirrahim, certes, nous t'avons accordé al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Alors, prie pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, celui qui te déteste, c'est celui qui est le plus privé. Thumma qal. Donc, après avoir récité cette sourate, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Etadruna ma al-kawthar? Savez-vous qu'est-ce que al-kawthar? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Alors nous dîmes, Allah et son messager sont plus savants. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal. C'est un fleuve dont mon Seigneur azza wa jal m'a promis. Alayhi khayrun kathir. Il contient beaucoup de bien. هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه. Et c'est un bassin dont ma communauté va parvenir à celui-ci au jour de la résurrection. Aniyatuhu adadun nujum. Ses récipients sont du nombre des étoiles. Fayukhtalaju al-abd minhum. Alors un des serviteurs sera éloigné de ce bassin. Un des serviteurs sera éloigné, sera écarté de ce bassin. Fa'akul Rabbi innahu min ummati. Alors je dirai, oh Seigneur, il fait partie de ma communauté. Il fait partie de ma communauté. Fa'akul ma tadri ma ahdathat ba'dak. Alors il dira, tu ne sais pas ce que celle-ci, donc ta communauté, ce qu'elle a innové après toi. Dans certaines narrations, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Wa fi hadha al-hadith bayan khuturat al-ihdath fi ad-din. Il y a dans ce hadith, oh chers frères, l'éclaircissement quant au danger d'innover dans la religion. Fa man ibtada'a fi dinillahi tabaraka wa ta'ala yukhsha 'alayhi أن يمنع من الحوض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Alors celui qui innove dans la religion, on craint le concernant qu'il soit privé et qu'il soit écarté du bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que certains savants ils nous disent يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من ورد على شريعته في الدنيا. Et donc certains savants ils nous disent, ceux qui parviennent au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà, ce sont ceux qui y sont parvenus à sa législation ici-bas. Et donc nous devons suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas innover. Et cela implique quoi? Cela implique qu'on apprenne. Tu ne peux pas suivre une sunna que tu ne connais pas. Je pense que le prophète, il a fait comme ça. Ou je pense que... Non, apprends, ta'allam. Regarde les livres de sunna. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'on lui a demandé un conseil, qu'est-ce qu'il recommande à la communauté d'apprendre, de lire, quels sont les livres qu'il recommande? Il a conseillé le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que sunan, sahih al-Bukhari, sahih muslim, Sunan Abi Daoud, hein? Jami' al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i. Il a conseillé les livres de hadith. C'est quand est-ce qu'on se pose et qu'on lit les livres de hadith, hein? Parfois, les frères sont étonnés. Ah, on va faire un chapitre de Sahih al-Bukhari. Ils sont étonnés parfois. Mais c'est ça la base. C'est ça la base. On doit étudier la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on est perdu dans tel et tel livre, dans plein de livres. On ne doit pas s'éloigner, les frères, de la compréhension du Coran, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important. Barakallahu fikoum. ففي هذه الآية الإشارة إلى أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc il y a dans ce verset le fait de montrer l'importance de s'accrocher à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير ومنه هذا النهر في الجنة. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a accordé beaucoup de biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce bien, il y a ce fleuve dans il y a ce fleuve dans le paradis. Thumma amarahu bi shukrihi ala hadhihi an-ni'am. Et donc, ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète de le remercier quant à ses bienfaits qu'il lui a accordés. Il lui dit: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Alors prie pour ton Seigneur et sacrifie. فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ بِالصَّلَاةِ. Alors Allah, il a ordonné à son prophète de prier. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ. Et donc, quelles sont les prières qui vont rentrer dans cet ordre? Il y a les prières obligatoires, les prières surérogatoires, وَكَذَلِكَ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَلَّتِي يَعْقُبُهَا النَّحْرُ وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدِ. Et aussi, et donc parmi les prières qui rentrent ici, nous avons les prières obligatoires, les prières surérogatoires, mais aussi la prière qui va être suivie par un sacrifice, c'est la prière du Eid. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et donc nous avons la prière du Eid qui va bientôt arriver d'ailleurs. Il faut qu'on se prépare, hein, les rites du sacrifice, savoir quelle bête on peut sacrifier, etc., etc. Et c'est quelque chose qui se répète chaque année. Nous devons être prêts pour ça. C'est important. فَمَنْ صَلَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَحَرَ لَهُ جَمَعَ بَيْنَ عِبَادَةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَلِ. Alors celui qui va prier pour Allah tabaraka wa ta'ala et qui va sacrifier pour lui une bête, alors cette personne aura rassemblé entre l'adoration du cœur, dans sa prière il prie pour Allah, l'adoration des membres lorsqu'il va accomplir cette prière, et aussi l'adoration qui est liée au bien que tu possèdes lorsque tu vas acheter cette bête que tu vas sacrifier. Et attention, ici il y a une différence. Hunak farq bayna an-nahr wa adh-dhabh. Il y a une différence entre an-nahr et adh-dhabh. En français, c'est l'égorgement pour les deux, Allahu a'lam. Mais il y a une différence entre les deux en arabe, entre an-nahr et adh-dhabh. An-nahr يَخْتَصُ بِالْإِبِلِ. النَّحْر, ça concerne les chameaux. Ça concerne les chameaux. الذبح, les autres animaux qui vont être sacrifiés. Et donc الذبح, le fait de passer la lame sur les veines et couper plusieurs veines. Concernant النَّحْر, c'est le fait de planter le cou de la bête. C'est le fait de planter donc au bas du cou de la bête, du chameau. Et donc, il y a une différence entre les deux. Cependant, ce qui a été cité ici, el-nahar, les savants, ils nous disent, pour montrer l'importance, le fait que el-ibil anfa' min ghayriha. Les chameaux sont plus profitables que les autres. Les chameaux sont plus profitables que les autres bêtes qu'on va sacrifier. D'ailleurs, vous connaissez le prix des chameaux, cette bête qui coûte très très cher. Ce ne sont pas donc les mêmes valeurs. فنحن كذلك نسلك Sabila nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous aussi, on suit la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَنُصَلِّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَنْحَرْ شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَهُ بِهِ عَلَيْنَا. Et donc, on va prier pour Allah tabaraka wa ta'ala et on va aussi sacrifier pour remercier Allah azza wa jal de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. Certes, celui qui te déteste est celui qui est le plus privé. Aï al-maktoua, donc le plus privé, donc celui qui est privé. Il faut savoir ici que le terme al-abtar, ismu tafdil. Al-abtar, c'est un ismu tafdil, c'est un nom dans la langue arabe qui est utilisé pour faire une comparaison entre des choses. On dit Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar. Ça ne veut pas dire Allah est grand, ça veut dire il est plus grand. Mais ce qui est voulu ici, c'est plus grand que toute chose. Et donc, ismu tafdil, donc c'est un nom qui est utilisé pour faire une comparaison, qui va être sous cette forme, akbar, abtar, etc., ahsan. Et donc ici, ce terme vient du mot batara, qui signifie couper ou priver. Idhan hadha al-mubrid. Et donc cette personne qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est privé, mais c'est celui qui est le plus privé. C'est-à-dire celui qui est privé de tout bien, privé de la bénédiction, privé du bien, privé de ce qui lui est profitable. Fata'ammalu ayyuha al-ikhwa fi haula al-kafara min quraish alladhina hawalu qatl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Méditez, ô chers frères, quant à la situation de ces incroyants de Quraish qui ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hal yusma'u lahum dhikrun? Est-ce qu'on entend parler d'eux, sauf pour les blâmer aujourd'hui? Est-ce qu'on entend parler d'eux? Est-ce qu'il y a des gens qui font leurs éloges ou autres? Taïb, wa ta'ammalu fi ha'ula alladhina hawalu muharabat shari'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hawalu muharabat as-sahaba wa muharabat at-tabi'in. Méditez sur ceux qui ont essayé de combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de combattre les tabi'in, ceux qui sont venus après. Ils ont essayé de combattre les musulmans. Même sur ces... Même en citant par exemple les papes. Les papes qui ont envoyé des armées dans des pays musulmans. Les croisades. Ils ont envoyé des armées dans des pays musulmans pour combattre les musulmans. Pour les faire rôtir. Hein? Pour manger les musulmans, les faire cuire et les manger, comme c'est cité dans leur propre livre, pour purifier la terre des musulmans. Ces gens qui ont préparé ces batailles, etc., hal yusma'u lahum, est-ce qu'on entend parler d'eux? Nadiran, rarement on entend parler d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaoumiyan, tous les jours, t'entends parler de lui. Tous les jours, wa yurfa'u ismuhu, son nom est élevé. Et on cite son nom après avoir cité la parole d'Allah tabaraka, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hein? À chaque fois lorsque le muaddin va faire le adhan, il va nous citer aussi. Ashhadu an la ilaha illallah. Et donc, et après cela, il va nous citer wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et donc, les frères, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est élevé. Et on le voit même lorsqu'on étudie sa sira, sa biographie. Le nombre de personnes qui aiment assister au cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. le nombre de livres qui ont été écrits quant à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala yadurruhu man yat'anu fi. Alors tous ceux qui vont venir le critiquer ne lui font pas de mal. Ils se font du mal à eux-mêmes. Ils se font du mal à eux-mêmes. Voilà pourquoi il est important à toutes ces personnes qui vont commettre des actes terroristes pour soi-disant venger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu vas tomber dans un acte illicite alors que Allah tabaraka wa ta'ala t'a déjà montré que celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-abtar. C'est lui qui est le plus privé. Il se fait du mal à lui-même. Et donc, il est important qu'on comprenne cela, oh chers frères. Et les savants, ils nous disent un point important. Wa kadhalika. Ils nous disent, faman abrada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils nous disent, man abrada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa al-abtar. Et les savants nous disent, celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est le plus privé. Wa kadhalika man abrada shari'atahu. Et aussi celui qui déteste sa législation. Celui qui déteste la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est privé du bien. Wa man abrada shay'an mimma ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kafir. Celui qui déteste une chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est incroyant. Incroyant. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Cela parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Vaines pourquoi? Parce que ça, ils sont incroyants. Et donc, il est important, mon cher frère, qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime ce avec quoi il est venu. Et nous devons prendre garde à cette maladie, le fait de détester la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de détester certains points de sa législation. Certaines personnes qui sont tombées dans ce genre de maladie, ces maladies graves, doivent se corriger. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, de purifier nos cœurs. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.